France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. En 1943, après le triomphe d'Oklahoma, l'œuvre qui ouvrait l'âge d'or de la comédie musicale à Broadway, Hollywood ne veut pas rester en reste. Les auteurs d'Oklahoma, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, reçoivent un appel du patron de la Fox, Daryl Zanuck. Alors il ne leur propose pas tout de suite d'adapter leur spectacle au cinéma, mais il leur demande carrément d'écrire, pour son studio, un film musical. State Fair sera la seule et unique expérience de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein au cinéma. C'est ce film, avec en vedette Jeanne Crain et Dick Haymes, que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Un film qui offrira à Richard Rodgers et Oscar Hammerstein leur seul et unique Oscar pour cette chanson que je vous propose pour débuter en français. Agité comme un roseau dans la tourmente, toutes mes nerfs et toutes mes rires en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé et sans courage, impatient, je ne sais plus ce qui me tend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour. Et peut-être en m'évadant ainsi, y trouver. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, l'aubépine, la jacinthe et les lilas blancs. En vain me chante le romance, douterai-je de printemps. Tout est si joyeux, pourtant je suis malheureux. D'où me vient tout ce tourment? Oh mon ami, c'est le The Number is about having nothing but a dream. about practicing over and over in the middle of nowhere, like my basement, spurred on by a hope, a belief that everything's gonna be okay. Once my clothes were shabby, tailors called me cabbie. So I took a vow, said this bum will be Bo-Brama. Now I'm smooth and snappy, now my tailor's happy. I'm the catch me on my wardrobe is a wow. Got my best vest. All I need now is the got my striped tie, got my hopes high, got the time and the place, and I got rhythm. If she'll just appear, we'll take this big town for a whirl. And if she'll say, my darling, I'm yours, I'll throw away my striped tie and my best pressed tweed. All I really need is the girl. Le premier album solo du comédien Tony Yazbek, que nous avions rencontré l'an dernier à Broadway alors qu'il était à l'affiche de On the Town de Leonard Bernstein. C'est un album qui vient de sortir, qui s'intitule The Floor Above Me, où il reprend des standards tels que, excusez-moi, On the Sunny Side of the Street, Cheek to Cheek ou ce All I Need is a Girl, extrait de Gypsy de Julie Stein. Et puis pour débuter en français dans le texte, C'est le printemps, la version française de It Might As Well Be Spring, interprétée par Blossom Derry, et une adaptation française de Jean Sablon, et de Géringer Talon. C'est certainement le plus grand standard issu de la seule comédie musicale pour le cinéma du fameux duo Rodgers et Hammerstein, State Fair. On parle de State Fair dans un instant. Le temps d'écouter une des nouveautés de la rentrée à l'automne, tout en restant dans ce registre, la chanteuse de jazz Karine Allison, qui avait sorti un album entièrement dédié aux chansons de justement Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. En voici un extrait, Many a Day, une chanson qui avait été créée pour la comédie musicale Oklahoma. Many a new face will please my eye, many a new love will find me. Never have I once looked back to sigh or romance behind me. Many a new day will dawn before I do. Many a light lad may kiss and fly, a kiss gone by is bygone. Never have I asked an August sky, where has last July gone? Never have I wandered through the rye, wondering where has some guy gone? Many a new day will dawn before I asked an August sky, where has last July gone? Never have I wandered through the rye, wondering where has some guy gone? Many a new day will dawn, many a red sun will set, many a blue moon will shine before I do. Et Karin Allison n'est pas la seule à avoir enregistré des albums autour de Rodgers et Hammerstein. Bernadette Peters aussi. Alors c'est en 1945 que sort sur les écrans State Fair, le film musical, le seul film musical de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Contrairement à Broadway, le duo n'a pas besoin d'écrire pour le cinéma plus de 6 chansons. En fait, ils en écriront 7, dont cette excellente valse interprétée dans un album, hommage à Rodgers et Hammerstein, par Bernadette Peters. On peut dire que cette chanson pourrait être l'hymne de la 42e rue. Somewhere a bird who is bound to be heard is throwing his heart at the sky. It's a grand night for singing. The stars are bright above. The earth is aglow, and to add to the show, I think I am falling in love. More than the moon, maybe it's more than the birds, maybe it's more than the sigh of the night in a light too lovely for words. Maybe it's more than the earth shiny in silvery blue. Maybe the reason I'm feeling this way has something to do. It's a grand night for singing. The moon is flying high, and somewhere a bird who is bound to be heard is throwing his heart at the sky. It's a grand night for singing. The stars are bright above. The earth is aglow, and to add to the show, I think I am falling in love. Falling, falling in love. C'est une grande soirée pour chanter Bernadette Peters. It's a grand night for singing, extrait de la comédie musicale State Fair de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Avec cette œuvre, on est vraiment dans la veine d'Oklahoma, le premier grand succès de Rodgers et Hammerstein. On l'a souvent dit, Oklahoma a marqué un tournant à Broadway en 1943, car pour la première fois depuis Showboat, un spectacle était comme un roman dont les chansons tournaient toutes les pages et avaient une fonction narratrice précise. Eh bien, Oklahoma connaît un succès énorme et Hollywood commence à s'intéresser à ces deux petits génies. Daryl Zanuck, le patron de la 20th Century Fox, dégaine le premier. Il a en tête une autre histoire tout aussi folklorique qui se déroule dans le fin fond de l'Amérique, l'Iowa, à l'orée des grandes plaines du centre du pays, un grand état producteur de maïs. Il se trouve que la Fox a connu un succès en 1933 avec un film intitulé State Fair, en français La Foire aux Illusions, où Janet Gaynor partageait la vedette avec Will Rogers. C'était l'histoire de bons fermiers de l'Iowa qui partaient se distraire à la grande foire annuelle. Les parents préparent leur mets, leur cochon pour remporter le grand prix, alors que les enfants, tout juste sortis de l'adolescence, risquent de rencontrer l'amour et de s'ouvrir au monde. Une histoire simple que le producteur de la Fox imagine adaptée par les auteurs d'Oklahoma qui ont si brillamment dépeint les champs de blé. Richard Rodgers et Oscar Hammerstein acceptent après avoir visionné le film de 1933 et dans leur adaptation, en comédie musicale, eh bien, le film s'ouvre sur cette foire à laquelle tout le monde songe et qui se déroule une fois par an seulement. La chanson s'intitule « Our State Fair ». Our state fair is a great state fair. Don't miss it, don't even be late. It's dollars to donuts that our state fair is the best state fair in our state. Afternoon, Abel. Well, it's high time you got here with that feed, Dave. You know how peckish Blue Boy gets when he has to travel. Afternoon, Ms. Frey. Mr. Miller. Our state fair is a great state fair. Don't miss it, don't even be late. It's dollars to donuts that our state fair is the best state fair. I tell you, Dave, Blue Boy's gonna win that grand sweepstakes so easy they'll ask J. Edgar Hoover to look it. I wouldn't count on it, Abel. What are you talking about? No, they win. Hey, Mr. Miller. Our state fair is a great state fair. Don't miss it, don't even be late. It's dollars to donuts that our state fair is the best state fair in our state. Boy's the finest piece of hog flesh in the Hawkeye State. Well, if that's true, he's as good as beat. See, Abel, if man or hog ever got what he was entitled to just once, poppycock, I say he's the best, and so will the judges. Bet they don't. I got $5 says they do. If you'd asked me, I'd have given you 10-1, but you didn't, so it's an even bet. $5. $5 is right. Our state fair is a great our state fair. Fair is a great state fair. Don't even be late. Don't even be late. It's dollars to donuts. It's dollars to donuts. It's the best state fair. It's the best state fair. It's the best fair. I'll be around on Saturday night after supper for the money. Be around with the money, I mean. That'd be a first. La toute première chanson dans State Fair, la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein. Ici, c'était la version pour l'adaptation sur scène à Broadway en 1996 de ce film. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. State Fair est produit en 1944, et c'est intéressant parce que le film est exactement dans la veine d'un autre film de la même année, Le Chant du Missouri de Vincente Minnelli avec Judy Garland. Même année. Même nostalgie dans le film de l'Amérique passée et même figure de style dans les numéros. La première chanson de chacun de ces deux films est interprétée à tour de rôle, vous l'avez entendu, par les villageois qu'on découvre. Et la seconde chanson est le grand solo de la fille de la famille qui s'ennuie dans sa maison avec ses parents. Dans Le Chant du Missouri, Judy Garland se languissait pour The Boy Next Door. Et bien dans State Fair, Jan Crane interprète une chanson qui deviendra un standard, It Might As Well Be Spring. Une chanson qui caractérise son personnage, elle est mélancolique, elle a envie de quelque chose, mais elle ne sait pas le formuler. Richard Rodgers compose une musique qu'il souhaite un peu vive, rapide, mais le directeur musical de la Fox, Alfred Newman, des années au compteur, ne l'entend pas de cette oreille. Il faut dire que Rodgers et Hammerstein composent sur la côte est des États-Unis et ne viennent pas à Hollywood. Alors, Alfred Newman dit aux auteurs, on va enregistrer It Might As Well Be Spring à ma façon. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, on la refera. Mais pour moi, cette chanson, c'est comme une douce ballade. Richard Rodgers, Oscar Hammerstein valideront le choix à la projection. Voici donc le tout premier enregistrement de It Might As Well Be Spring, et évidemment on est à Hollywood, ce n'est pas l'actrice qui incarne cette femme, cette fille de fermier et qu'on voit à l'écran Jan Crane qui chante, parce qu'on jugeait à Hollywood que son chant n'était pas suffisamment bon, donc elle était doublée par une voix fantôme, Louane Hogan. The things I used to like I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. It's just like Mother says. I sit around and mope, pretending I am wonderful and knowing I'm a dope. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well. Lorsque Rodgers et Hammerstein donnent leur accord à la Fox pour écrire un film musical, ils posent donc leurs conditions. Ils sont en train de réfléchir à leur prochain spectacle à Broadway, Carousel. Alors, absolument pas question pour eux de perdre du temps à Hollywood. Ils exigent de pouvoir écrire sur la côte Est. Richard Rodgers est à Fairfield, dans le Connecticut, et Oscar Hammerstein en Pennsylvanie, à Doylestown. Pour une fois, les deux auteurs de Broadway ne se feront pas happer tout cru par la machine à rêve de la côte ouest, comme tant d'auteurs de Broadway passés à l'ouest dans les années 30 à l'arrivée du cinéma parlant. Le film State Fair est aujourd'hui un peu daté, c'est vrai, avec ses couleurs outrageantes, mais si vous le regardez, le film, eh bien, il regorge de standards incroyables. Et il a permis aussi de découvrir certaines actrices, dont Vivienne Blaine. Ça vous dit peut-être quelque chose son nom, parce que c'est elle qui incarnera, quelques années plus tard, Adélaïde dans Guys and Dolls. Alors Vivienne Blaine dans State Fair, c'est la femme fatale, rousse, drôle, dont tombe évidemment amoureux le fils des fermiers, Dick Haynes. Faut dire qu'il est difficile pour lui de ne pas tomber sous le charme de cette femme lorsqu'elle se met à chanter dans un cabaret durant la foire « That's for me ». Thank you. gave me no warning. Great was my surprise. I saw you standing in the sun, and you were something to see. I know what I like, and I liked what I saw, and I said to myself, that's for me. A lovely morning, I remarked, and you were quick to agree. You wanted to walk, and I nodded my head as I breathlessly said, that's for me. I left you standing under stars. The day's adventures are through. There's nothing for me but the dream in my heart, and the dream in my heart that's for you. Oh, my darling, that's for you. I saw you standing in the sun, and you were something to see. I know what I like, and I liked what I saw, and I said to myself, that's for me. I left you standing under stars. The day's adventures are through. There's nothing for me but the dream in my heart, and the dream in my heart that's for you. Oh, my darling, that's for you. Difficile pour le fermier qui était là, au cabaret, en train d'assister à ce numéro de cette femme, interprétée par Vivian Blaine, qui chantait cette chanson, de ne pas évidemment succomber à une telle voix. Le fermier va donc tomber amoureux. Et dans State Fair, la comédie musicale, Rodgers et Hammerstein vont composer pour le film cette chanson. C'est moins que pour les comédies musicales de Broadway. Au cinéma, ça suffit, cette chanson. Et en fait, l'une d'elles va passer à la trappe. Un duo, justement, entre le fils du fermier et cette star, Vivian Blaine. La chanson a complètement disparu de la circulation, mais vous nous connaissez à 42e rue. On l'a retrouvée. Voilà. Alors, vous allez l'entendre, c'est la chanson d'un amour naissant. We will be together. That's a cute idea. When the lyric is about being together, the two voices are in close harmony. And when it says they may drift apart, the notes separate. Hmm. Well, come on, try and read it on sight. We will be together, singing in the sun. You'll be close to me as be to we'll go harmonizing on our own. En 1962, la Fox décide de tourner un remake de State Fair. Alors pour moderniser l'affaire, on supprime les références à l'Iowa, on dépasse l'histoire au Texas, jugée un peu plus sexy, et l'actrice dont tombe amoureux le fils du fermier n'est plus interprétée par Vivian Blaine, mais par une actrice chanteuse danseuse suédoise qui a tout autant de chien, Anne Margaret. Vous allez l'entendre, les arrangements pour le film sont beaucoup plus jazzy et la voix bien plus suave. Maybe I'll never be the love of your life. Maybe I'm not the girl of your dreams. But isn't it kind of fun to look in each other's eyes, swapping romantic gleams? Maybe I'm not a girl to have and to hold. Maybe I'm not a girl who would stay. But isn't it kind of fun carousing around the town, dancing the nights away? Isn't it kind of fun holding hands according to a sweet and corny custom? Isn't it kind of fun making vows, admitting that we both intend to bust 'em? Maybe we're out for laughs, a girl and a boy, kidding across the table for two. But haven't you got a hunch that this is the real McCoy? And all the things we tell each other are true. A dewy-eyed Jew yet. No one has seen me drew yet. I don't say our hearts are tied by love's eternal tether, but using words less dignified. Isn't it kind of fun to be together? Well, maybe I'll never be the love of your life. Maybe I'm not the girl of your dreams. But isn't it kind of fun to look in each other's eyes, swapping romantic gleams? Maybe I'm not a girl to have and to hold. Maybe I'm not a girl who would stay. But isn't it kind of fun carousing around the town, dancing the night's away? That this is the real McCoy, and all the things tell each other. And all the things we tell each other. And all the things we tell each other Anne-Margaret, David Street, Isn't It Kind of Fun, dans le remake de State Fair en 1962. France Musique. Lorsque la Fox entame en 1962 ce remake au Texas, en éliminant toutes les références à l'état de l'Iowa, il manque une pièce maîtresse, Oscar Hammerstein, qui a disparu entre-temps. On décide pourtant de créer une nouvelle chanson et Richard Rodgers se chargera à la fois de la musique et des paroles. Par exemple, pour un nouveau duo entre la fille du fermier et sa mère. Alors, une chanson vraiment qu'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui, parce que c'est un moment où la mère conseille à sa fille de ne pas trop refuser les avances des garçons. When I was just about your age, my mother taught me lots. She showed me how to clean a floor and how to scour pots. She taught me one thing more. A word that men Never say no to a man. Simply avoid saying yes to him. That leaves the ultimate guess to him. Darling, don't ever say no. Men find the negative rough. Give an affirmative grin to him. You needn't really give in to him. Don't use the positive no. No is a mean monosyllable fit for a horse, a dog, or a cow, or a calf. A nod and a smile would cut the divorce statistics by just about half. Maybe, perhaps, if I can. These are some words that will do as well. Darling, he's sure to love you as well. Never say no to a man. Yes is a lovely expression not meant for the birds, but people who may become dear. If I hadn't learned the usage of words, my baby, you wouldn't be here. Say something nice if you can. Don't put a definite end to him. Man is your friend, be a friend to him. Never say no to a man. On ne tient pas un bijou comme une comédie musicale de Rodgers et Hammerstein sans l'exploiter sous tous les filons. Après le remake, va y avoir State Fair adapté en comédie musicale pour la scène à Broadway avec un casting alléchant. Andrea McArdle, qui a créé le rôle de Annie, la petite orpheline, qui interprète ici la fille des fermiers, et Donna McKechnie, qui interprète l'artiste dont s'entiche le fils des fermiers. Alors pour enrichir le spectacle, il faut encore ajouter des chansons. On puise dans le répertoire des chansons méconnues de Rodgers et Hammerstein et on rajoute par exemple ce duo entre la fille du fermier et la starlette dont tombe amoureux le fils du fermier, puisque chacune a des problèmes, on va dire, romantiques. Un duo intitulé « The Next Time It Happens ». I left before I looked and I got hooked. I played with fire and burned, that's how I learned. I must admit, I owe a lot to you. From now on, I will know what not to do. The next time it happens, I'll be wise enough to know not to trust my eyesight when my eyes begin to My heart will sing no love song till I know the words are true. The next time it happens, what a foolish thing to say. Who expects a miracle to happen every day? It isn't in the cards, as far as I can see, that a thing so beautiful and wonderful could happen more than once to me. Like you, my heart will sing no love song till I know the words are true. The next time it happens, what a foolish thing to say. Who expects a miracle to happen every day? It isn't in the cards, as far as I can see, that a thing so beautiful and wonderful could happen more than once. Could happen more than once. Could happen more than once. Cette faire, la version à Broadway en 1996 avec des chansons supplémentaires puisées dans le répertoire de Rodgers et Hammerstein. Et encore une autre, par exemple, cette chanson rajoutée pour la vedette dont tombe amoureux le fils du fermier et qui, à la foire, monte sur scène. Elle est interprétée par Donna McKechnie. Ça s'intitule « You Never Had It So Good » et c'est « So Good et So Jazzy ». Ladies and gentlemen, the Starlight Dance Meadow is proud to present Emily Arden and the Fairtones. You never had it so good. For once in your life, you're living. Show your baby you're grateful for all your baby is giving. You never had it so good. You crazy, attractive. Our baby, you're grateful. Our baby's going to slug you. I'll try to make your evenings all enchanted. My honey cake, I'm yours to take, but don't take me for granted. Just do what anyone would. Confess you're a lucky feller. Lucky guy. Come to baby and tell her. Tell her. I'll try to make your evenings all enchanted. My honey cake, I'm yours to take, but don't take me for granted. Just do what anyone would. Confess you're a lucky feller. Come to baby and tell her. Tell her you've been misunderstood. Kiss your baby and tell her. Tell her you never had it so good. Hello, boys. Hey, Miss Arden. Thank you. Donna McKechnie, You Never Had It So Good, State Fair, Broadway Cast, 1996. Alors State Fair, ça sera, on l'a dit, la première et dernière fois que Oscar Hammerstein écrit le scénario d'un film ou une expérience qu'il n'appréciera pas vraiment. Il racontera que c'était comme naviguer sans compas. Voici un dernier extrait de State Fair. Alors là, voilà la chanson folklorique par excellence qui a disparu dans le remake de 62. Une ode à l'état du maïs, à l'Iowa, un extrait dans son jus du film de 1945. I can hear 'em calling hogs in the clear Iowa air. I can sniff the fragrant whiff of an Iowa rose. You've got Iowa in your heart. I've got Iowa in my hair. I've got Iowa in my ears and eyes and nose. Oh, I know all I owe. I owe Iowa. I owe Iowa all I owe, and I know why. I am Iowa born and bred, and on Iowa corn I'm fed, not to mention her barley, wheat, and rye. I owe Iowa for her ham, and her beef, and her lamb, and her strawberry jam, and her pie. I owe Iowa more than I can ever pay, so I think I'll move to California. What a shame! What a shame! What a shame! What a shame! You'll be good and gosh darn sorry when you go. Don't I know? When you leave your native state, you'll be feeling far from great. You'll be good and gosh darn sorry when you go. I'm a seed of Iowa grain. You're a breeze that Iowa blew. I'm a drop of Iowa rain. You're a drip of Iowa dew. Oh, I know all I owe. I owe Iowa. I owe Iowa all I owe, and I know why. I am Iowa born and bred, and on Iowa corn I'm fed, not to mention her barley, wheat, and rye. I owe Iowa for her ham, and her beef, and her lamb, and her strawberry jam, and her pie. I owe Iowa more than anyone should owe, so I think I'll start in Owen, Idaho. All together, what a shame! What a shame! What a shame! What a shame! You'll be crying like a baby when you go. Don't I know? When I leave my native heath, with my lip between my teeth, I'll be bawling like a booby when I go. You're a seed of Iowa grain. You're a breeze that Iowa blew. I'm a drop of Iowa rain. You're a drip of Iowa dew. I'm a seed of Iowa grain. You're a breeze that Iowa blew. I'm a drop of Iowa rain. You're a drip of Iowa dew. Tête Fer, deux films à voir, version 1945, 1962, et à écouter l'enregistrement à Broadway de 1996. On a mis toutes les références des disques diffusés ce matin sur la page de 42e rue. C'est sur francemusique.fr. L'actualité des comédies musicales, c'est à Toulouse, le nouveau spectacle de Gilles Ramade, Un taxi à Broadway, tout à l'heure à 15h au Casino Théâtre Barrière. 14 artistes et musiciens qui interprètent des extraits de classiques, West Side Story, Grease, Un Américain à Paris. Et puis à Paris, on vous recommande chaudement la nouvelle pièce de Pierre Note, Sur les cendres en avant. Quatre femmes au bord du désespoir, engluées dans le quotidien, qui se confrontent, se racontent, dont l'histoire apparaît au fur et à mesure. Ça penche du côté de Michel Legrand et des Parapluies de Cherbourg. C'est entièrement chanté, avec pour chaque femme un style musical particulier. La jeune sœur Nina est dans le registre romantique. La voisine engluée sur sa chaise, plutôt dans un registre dissonant à la Kurt Weill. Quant à la femme trompée, arrivée avec un fusil, tuer tout le monde, elle serait plutôt dans le genre registre lyrique italien. Elle, c'est la femme du forain. Et apparemment, elle en a gros sur le cœur. Voici son moment de bravoure, interprété par l'excellente Juliette Coulon. Je suis la femme du forain. Je suis la femme d'un homme à la corpulence imposante, un vrai colosse, une bête de 120 kilos. Un homme fort, un homme beau, c'est mon mari, c'est mon taureau. De Saragosse, je suis la femme du forain. Mon bonhomme de mari, j'y tiens. Je ne vais pas laisser une professionnelle du cul me faire cocu dans sa piole insalubre. Tu vas me le payer, ma belle. Je suis la femme dont la colère vous fera regarder l'enfer avec dépit, avec envie et impatience. Je suis la femme du forain. Elle est la foraine offensée à mes dents. Je viens me venger de l'offense. Elle est la femme du forain. Je suis la foraine en colère à mes jusqu'aux dents. Elle a un fusil dans les mains. C'est une carabine. Elle a le doigt sur la gâchette. Je suis à bout, je n'ai plus rien. J'avais un homme, c'était mon tout, c'était mon bien. C'est curieux comme la vie parfois paraît interminable. Et hop, tout va très vite et c'est la fin. Je suis la femme du forain. Elle est la forain. Je suis la femme d'un homme. Elle a un fusil dans les mains. Elle a le doigt sur la gâchette. C'est une carabine. Je suis la femme dont la colère. Elle est la forêt offensée. Regardez l'enfer. Elle est la forêt en colère. Avec dépit, avec envie et impatience. Elle est la forêt offensée. Armée jusqu'aux dents. Elle tire. Rien ne se passe. Profonde tristesse. Et vous l'avez reconnu, c'est la voix de Nicole Croisille qui incarne la narratrice dans Sur les cendres en avant de Pierre Note. À voir absolument au théâtre du Rond-Point avec Juliette Coulon, Blanche Leleu, Chloé Oliver et Elsa Rosenknopf. C'est jusqu'au 14 mai sur francemusique.fr. Toutes les infos sur ces spectacles, les références des disques diffusés ce matin, le podcast disponible durant un an. Vous pouvez aussi réagir à l'émission en consultant notre page Facebook avec plein de vidéos ou nous écrire via Twitter. Sachez aussi que Passion, la comédie musicale de Stephen Sondheim que nous avons diffusée hier en intégralité, la production du Châtelet est disponible à la réécoute sur le site francemusique.fr. Et puis que notre prochain cabaret 42e rue aura lieu en direct dimanche 15 mai avec Vincent Eden qui vient de reprendre cette semaine Love Circus aux Folies Bergères. Réservation indispensable à partir de demain sur maisondelaradio.fr. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Benoît Dattil, Antoine Giraud, Elisabeth Gornescoto, Cyrielle Weber. On vous souhaite un très bon dimanche. On vous retrouve dimanche prochain pour fêter à notre façon les 400 ans de la disparition de William Shakespeare, tout en comédie musicale évidemment. Rideau.